il obtient le gouvernement des Gaules, son arrogance. Ainsi, appuyé du crédit de son beau-père et de son gendre, il choisit, parmi toutes les provinces romaines, celle des Gaules, qui, entre autres avantages, offrait à son ambition un vaste champ de triomphe. Il reçut d'abord la Gaule Cisalpine avec l'Illyrie, en vertu de la loi Vatinia, et ensuite la Gaule chevelue, par un décret des sénateurs, qui craignait, s'il la lui refusait, que le peuple ne la lui donne également. Il en éprouva une joie qu'il ne put contenir. On l'entendit, peu de jours après, se vanter en plein Sénat d'être enfin parvenu au comble de ses vœux, malgré la résistance et les lamentations de ses adversaires, et s'écrier qu'il marcherait désormais sur leur tête à tous. « Cela ne sera pas facile à une femme, » répondit une voix pour l'outrager. « Je ne sache pas, » répliqua-t-il en ayant l'air de plaisanter, « que cela ait empêché Sémiramis de régner sur la Syrie, et les Amazones de posséder jadis une grande partie de l'Asie. »